tourner la jambe numéro 1 sur l'herbe morte et d'écrire des cercles concentriques autant que possible. Perdre, avec un minimum d'effort, le contrôle de la jambe numéro 2. Explorer la superficie avec cette dernière, la submerger dans l'eau qui vole, l'abandonner à sa chance. La main gauche et la mer. Élever la main droite et former un angle de 36 degrés. 20 minutes avec le cou, caresser le ciel, saisir l'eau. Le torse, nu de préférence, doit danser au rythme de quelques petites valses perdues. À la mesure 101, arrêtez tout bruit extérieur et prêtez l'attention, tout particulièrement, au bruit électrique que crie le plexus solaire. La main gauche est la mer. Machine, plan du rien. Page, plan du rien. Plan du rien.